réveille le matin avec la cuite de la veille qu'on a pris pour oublier qu'on sait plus pourquoi on se réveille le matin avec la cuite de la veille qu'on a pris pour oublier qu'on sait plus pourquoi on se réveille. Je hais les souvenirs, les mauvais comme les pires. Je hais aussi le temps qui passe et j'aime pas trop le curry dans la sauce. J'aime pas bien ce que tu m'as dit. Ok, elle était jolie, certainement pas trop belle pour moi, même si moi j'étais pas assez beau pour elle. J'aime pas le métro quand il s'arrête, j'aime pas le poisson à cause du goût. Et j'aime pas trop quand tu dis d'elle que c'est juste une fille comme toi et moi. Écoute-toi avant de parler. Dernière fois. Moi je suis un mec qui prévient pas. On se réveille le matin avec la cuite de la veille qu'on a pris pour oublier qu'on sait plus pourquoi on se réveille le matin avec la cuite de la veille qu'on a pris pour oublier qu'on sait plus pourquoi on se réveille. Comment tu l'as regardé tous les week-ends à la campagne dans notre résidence secondaire qu'allait devenir ta principale. D'ailleurs j'aime pas la moquette bleue sur les murs de mon bureau et j'ai pas du tout adhéré à l'idée d'en faire une salle de gym, même si c'est elle qui a eu l'idée. T'étais pas obligé de le faire, t'as vraiment aucun caractère et j'aime pas les prénoms de vos enfants. En même temps ça engage que moi, mais je tenais à le souligner. Avec la cuite de la veille qu'on a pris pour oublier qu'on sait plus pourquoi on se réveille le matin avec la cuite de la veille qu'on a pris pour oublier qu'on sait plus pourquoi on se réveille. C'est aussi toi qui la supporte. Et ça c'est pas une mince affaire. Non vraiment là, je t'envie pas. Et puis je te le dis dans le blanc des yeux, de moi à toi, de toi à elle, je te collerais bien une droite si jamais je t'avais en face de moi. T'as la chance de pas être là. Hein? Moi je parle tout seul. Et alors ça me dérange? Ouais ok, je rentre chez moi. Avec la cuite de la veille qu'on a pris pour oublier qu'on sait plus pourquoi on se réveille le matin avec la cuite de la veille qu'on a pris pour oublier qu'on sait plus pourquoi on se réveille le matin avec la cuite de la veille qu'on a pris pour oublier qu'on sait plus pourquoi on se réveille le matin avec la cuite de la veille. qu'on a pris pour oublier qu'on sait plus pourquoi on se réveille. Matin, avec la cuite de la veille, qu'on a pris pour oublier qu'on sait plus pourquoi on se réveille.